Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Troisième épisode. L'épidémie de choléra se propage rapidement à travers la Provence. Angelo, qu'un duel et la cause des Carbonari y ont obligé à s'exiler, découvre au petit hameau des Omers, goupiers de la montagne de Lure, des maisons pleines de morts. Il aide dans sa tâche un jeune médecin que l'épidémie de choléra abat à son tour, malgré tous les efforts d'Angelo pour le sauver. Les soldats arrivèrent dans la matinée, ils étaient une douzaine. Ils avaient fait leur faisceau dans un petit pré. Leur capitaine était un gros homme sanguin avec une moustache rousse. Angelo, qui avait eu peur toute la nuit et qui avait l'habitude de commander les capitaines, lui parla d'un ton fort sec, au sujet des soldats qui, avant toute chose, s'étaient mis à faire du café en plaisantant à haute voix. Il n'y a plus de monsieur, et tu sens un peu trop. Prends cette pioche et commence à creuser le trou si tu ne veux pas que je te botte les fesses. Les mêmes blanches, moi je les emmerde. Et je vais te faire voir qui je suis. Ça se voit du reste. Vous êtes un grossier personnage. Et je suis ravi que vous emmerdiez mes mains. Car je vais vous les mettre sur la figure. Sans un mot, Angelo remonta près de son bivouac, libéra le cheval du pauvre médecin, sella le sien, le monta, et s'en alla après avoir jeté un bref coup d'œil aux deux cadavres qui mordaient de plus en plus férocement. Peu après, il rejoignit la route. Sa chemise était toute mouillée de la sueur de la nuit, sa poitrine aussi était moite. Il trouva qu'il faisait moins chaud que les autres jours. C'était cependant le même temps de craie, avec les mêmes brumes. Il n'avait plus ni porte-manteau ni linge. Ses deux pistolets n'étaient chargés qu'à un coup chacun. D'ailleurs, je me ferais hacher plutôt que de tuer un homme à coups de pistolet. Même s'il injurie ma mère. J'ai eu du plaisir à régler son compte à ce capitaine. Avec des armes qui me permettaient surtout de l'humilier. La mort ne venge pas. La mort est bizarre. Ça a l'air bien simple et bien pratique. On traversa un village où beaucoup de gens avaient employé ce moyen simple et pratique. Les morts, habillés en chemise, nus ou troussés par le museau des rats qui couraient en troupe, s'entassaient devant les maisons de chaque côté de la rue. Ils avaient tous des babines de chiens enragés. La puanteur était si épaisse que le cheval fut pris de panique et frit de mort aux dents. Angelo se laissa emporter. À la fin de la matinée, il avait traversé un pays désert où rien ne parlait de l'épidémie, sauf les champs, où le seigle, quoique mûr, n'était pas coupé et commençait à verser. Il avait dormi en selle, bien que le cheval ait conservé une allure assez vive. Il avait chaud. Il s'était noué un mouchoir autour de la tête et, à part son ventre vide, il se sentait fort bien. L'échancrure de la vallée s'élargissait. Elle débouchait dans une autre vallée perpendiculaire, beaucoup plus large, où le soleil couchant faisait apparaître toute une perspective de bosquets et de longues allées de peupliers. Il approchait de la grande vallée quand il vit la route barrée par des tonneaux avec lesquels on avait fait une sorte de barricade. Halte ! Halte, je te dis, ne bouge plus ! Sinon je t'envoie du plomb dans les côtes ! As-tu une billette ? Une billette ? Un passeport, quoi. Un passeport que le maire aurait dû te donner, sans lequel tu ne passeras pas. Et pourquoi la billette ? Pour certifier que tu n'es pas malade. Et tu n'emportes pas le choléra dans tes poches. Je l'emporte si peu que j'ai foutu le camp dès que j'ai su qu'il y avait un cas. J'étais d'ailleurs dans la montagne et je ne suis pas retourné au village. C'est pourquoi je n'ai pas de billette et même pas de veste. Pourtant, tu es bien élégant. Et ton cheval aussi, c'est de l'argent, ça. As-tu de quoi ? Ben oui, as-tu du kibus ? Faut tout expliquer, alors tu es bien de ta montagne. Bien sûr que j'en ai. Au moins 100 francs ? Oui. Il m'en faudra 200. Laissez pas jouer la fille de l'air, je tiens au bout de mon fusil. Et regarde ça, mon garçon. Je suis pas de ceux qui hésitent à tirer sur un homme. Tu vois ce tatouage ? C'est dans les auberges du gouvernement qu'on le pratique. Voilà tout ce que j'ai. Si ça peut vous faire plaisir. Tu as des mots, mais je connais la musique. À bout le reste. Qui m'empêcherait de te coller un pruneau et de dire que tu as voulu manger la consigne ? Ceux qui descendent la colline, là-bas. Ils vous en empêcheraient sûrement. Où ça ? Aïe ! Plus un geste. Hé là, bourgeois, pas de blague. Hein. Où avez-vous appris la voltige ? Oh, reconnaissez que j'étais accommodant. J'aurais pu vous faire cracher pendant que vous étiez de l'autre côté. Je veux dire que j'y pensais, mais vous aviez l'air si bête. Vous cachez bien votre jeu, vous savez. Mieux que tu ne crois. Et je ne t'ai pas encore fait voir tout ce que je sais faire. Mais je suis bon prince et je te laisserai ce que je t'ai donné si tu me trouves quelque chose à manger. Allez, debout. Ça rouille, les auberges du gouvernement. Il y a 5 ans, votre entourloupette aurait fait long feu, jeune homme. L'important, c'est qu'elle soit tombée à point. Oh, si vous êtes philosophe, alors parfait. Ah, j'ai du saucisson et du pain, ça vous va ? Tenez. On nous dorlote depuis qu'on nous a embauchés pour soigner la trouille. Embauchés ? Ah, les morts, c'est pas un travail de bourgeois. Les gens riches se mettent toujours en avant s'il faut avoir son nom inscrit quelque part. Après, quand il s'agit de mettre la main à la pâte, ils laissent tout tomber sur le dos des pauvres bougres. Qu'est-ce que c'est que ce grand feu là-bas ? Sisteron, vous êtes aux portes de la ville. On brûle les morts, il n'y a plus de chaux vives. Ce sont des grosses barbes qui ont trouvé le système de monter un bûcher et d'y faire charrier les morts par nous autres, forçats. Et en pleine nuit, pour ne pas affoler la population. Ah, je t'en fiche de la population. Tombeau fait plus de bruit sur les pavés que tous les tambours du régiment. Et maintenant, il y a ce feu qui se voit d'une lieue et qui leur tape dans les fenêtres, sans compter l'odeur. Eh, ça doit faire du joli. Beaucoup de morts ? 83, ce soir. Merci pour le souper. La direction, c'est par là. Suivez la route, carrément. Dans les champs, il y a des fondrières où vous casseriez la figure. Et sur la route, vous ne croyez pas qu'il y aura une autre barricade où j'irai me casser le nez ? Oh, pas avant de lieu, jusqu'à l'entrée de Château Arnoux. Mais à votre place, j'aimerais mieux en tuer 4 ou 5, quitte à les mordre plutôt que de rester par ici. Ailleurs, c'est peut-être pire, mais on ne le sait pas. La nuit était très épaisse et on ne voyait aucune étoile. Angelo sentait une violente odeur de fumier sucré. Enfin, il comprit que c'était l'odeur des cadavres laissés à l'abandon. Dans ces terres hautes, les rossignols nichaient tard. Angelo en entendait de très nombreux qui s'appelaient d'un bosquet à l'autre. Il se souvint que ces oiseaux étaient carnassiers. Il fit des réflexions bizarres sur eux, sur les morts pourris dont ils devaient se nourrir, et sur ces élancements dorés que répercutaient les parois des ténèbres. Il était impossible de savoir si la nuit tournait. La route traversait des bois. Y a quelqu'un par ici ? Puis-je rendre service à quelqu'un par ici ? À ces deux enfants dont je suis la préceptrice. Nous sommes arrivés tous les trois de Paris il y a 6 jours. Leurs parents, monsieur et madame de Chambon, devaient nous rejoindre par le train au château d'Aubignosque en s'arrêtant à Avignon. Où ils se trouvent sans doute maintenant. Mais les routes sont barrées. Il paraît que le choléra est très violent dans le comtat et qu'on ne laisse passer personne. Je voulais tenir les enfants à l'abri, à Aubignosque. Mais le village a été dévasté tout d'un coup par l'épidémie. En 2 jours, elle n'a pas laissé 10 personnes vivantes. Alors nous sommes partis dans l'espoir de rejoindre Avignon. En passant par Aix-en-Provence, on dit qu'il n'y a pas encore beaucoup de mal. Mais à Château-Arnoux, c'était hier soir vers 6 heures, nous avons été arrêtés aux barrières et refoulés dans les bois. Nous sommes assis au bord de la route pour attendre le jour. Où sont les barrières ? Là, un peu plus haut. Pourquoi vous êtes-vous cachés dans les bois ? En entendant votre cheval, nous avons cru que c'était une patrouille de ces gens de Château-Arnoux. Ils nous ont menacés de la quarantaine. De la quarantaine ? Voilà une histoire qui ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas envie d'être bouclé dans une étable pleine de fumier. Nous non plus, hein ? Nous non plus. Eh bien, nous allons traverser le bois. On n'a pas l'air très large. Je vais moi-même du côté d'Aix. Et je vous aiderai tant que vous ne serez pas tiré d'affaire. Rassurez-vous, je suis colonel de hussards. Et on ne viendra pas facilement à bout de nous. Ils quittèrent la route et traversèrent le bois. À la sortie du bois, Angelo installa la jeune femme et la petite fille sur le cheval et ils commencèrent à parcourir les collines pierreuses où il faisait un peu plus clair que dans le fond de la vallée. Le petit garçon marchait crânement à côté d'Angelo. Il était 3 heures du matin. Le jour commença à se lever vers 4 heures. Il éclaira de vastes solitudes ondulées. Ici, nous marcherons tranquille. D'ailleurs, la grande route doit être à notre gauche, dans ce creux plein de brume. Le plus important maintenant serait de trouver une ferme où nous pourrions manger un peu tous les quatre. Je vais vous rendre votre cheval. Pourquoi ? Vous allez gâter ces belles bottes dans les pierres. En effet, ces bottes sont tout ce qui me reste. Ne bougez pas. Restez tranquillement assise où vous êtes. Je sais que je n'inspire pas confiance avec ma barbe de 3 jours. Et vous aurez vite appris sans mes bottes que je ne cherche qu'à vous rendre service. Le maladroit chez moi, c'est que j'en fais toujours trop. 9 fois sur 10, ça me fait prendre pour ce que je ne suis pas. Mais je suis vraiment colonel. Ce n'est pas une blague. Seulement, comme vous, depuis 3 jours, j'essaie de me dépêtrer de ce pays infernal, plein de peureux et de courageux, plus terribles les uns que les autres. J'ai passé par des moments bien désagréables. Je n'ai pas peur. Et vous ne croyez pas au colonel ? J'ai mieux à faire que de ne pas y croire. Le soleil était complètement levé quand ils aperçurent, nichée dans les plis d'un vallon, une ferme, près de 3 terrasses d'oliviers et d'un grand champ de luzerne. Angelo arrêta la troupe sous une yeuse. Voici la première maison dont la cheminée fume. Nous avons de la chance. Restez là. Je vais demander de quoi manger en le payant très bien. Ne vous souciez de rien, j'ai de l'argent. Y a quelqu'un ? Passez votre chemin. Je ne suis certainement pas malade. J'ai là-bas, sous cet arbre, une femme et 2 enfants. Vous les voyez d'ici. Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Vendez-moi un peu de pain et de fromage. Je paierai le prix que vous voudrez. Je n'ai rien à vendre. Vous n'êtes pas le seul à avoir une femme et 2 enfants. Passez votre chemin, et vite. Soyez raisonnable. Je peux très bien faire sauter votre serrure d'un coup de pistolet. Après, ça se réglera à l'intérieur. Vous avez autant de chance que moi. Mais pas plus. Jetez-moi un pain et 4 fromages de chèvre. Je vous l'épée d'une pièce de 20 francs que je fais passer sous la porte. Mais faites vite. Je suis décidé à tout. Attendez! Très bien. Il y a une fente près de la serrure. Faites-y passer votre pièce, qu'elle sonne en tombant dedans. Bien entendu. J'en fais passer une autre. Écoutez bien. Je n'ai rien entendu. Alors, écoutez celle-là. Tenez. Maintenant, nous allons rejoindre la route. Ce serait sans doute plus sage de continuer à marcher à travers les collines. Mais nous avons fait au moins 5 lieues et ces enfants mourraient de fatigue. Nous ne devons pas être loin de Péruis. Il y a là un poste de gendarmerie. J'expliquerai mon cas. Monsieur de Chambon est connu. Nous ne sommes pas malades. On nous fera sans doute une billette. Et on m'aidera à trouver un cabriolet. Je ne peux pas continuer à courir des risques avec ces enfants dont j'ai la charge. C'est raisonnable. Mais que cela ne vous empêche pas de vous occuper de vous-même. La situation est tout à fait différente pour un homme seul et résolu. Laissez-nous ici. Nous gagnerons Péruis par nos propres moyens, c'est à peine à une demi-lieue. Je ne vous abandonnerai pas avant de vous savoir en main sûre. D'ailleurs, j'ai moi-même 2 mots à dire aux gendarmes. Allez, en route. Ils arrivèrent assez vite devant des barrières gardées en effet par des gendarmes qui furent très aimables et sentaient le vin. Le nom de Monsieur de Chambon fit merveille. Ils promirent un cabriolet de réquisition. Angelo déclara qu'il venait de Banon. Les gendarmes, qui connaissaient la vie et avaient un coup d'œil, apprécièrent beaucoup ses bottes. Ils le traitèrent avec diplomatie. Il avait raconté une histoire de brigand pour expliquer la perte de son porte-manteau. On peut pas être partout, hein? Vous avez de la chance. Il y en a qui perdent beaucoup plus. Quelques-uns des forçats qu'on a libérés assisteront pour enterrer les morts ont pris la clé des champs. Et bien entendu, c'est pas pour dire la messe. Au sujet des billettes, ça ne fait aucun doute, on vous les fera. Vous avez l'air tous très vigoureux, mais il faut que vous fassiez ici une 40 jours. Ça, c'est recta. 3 jours. C'est pas la mer à boire, hein? On les conduisit dans une grange qui était pleine d'une 30 de personnes de tout âge et de toutes conditions, assis tristement sur des malles ou à côté de paniers, de valises et de baluchons. Les gendarmes emmenèrent le cheval. Ils étaient aimables, mais prudents. Je n'aime pas beaucoup ce qui nous arrive. Que faire? Ils m'ont promis un cabriolet, j'attendrai. Mais je suis fâchée pour vous, vous seriez déjà loin. Peut-être vaut-il mieux que je sois près de vous. En tout cas, venez. Mettons-nous un peu à part. Bon, ceux qui veulent à manger, envoyez la commande. Et qui a-t-il à manger? Et ce que vous voulez, bon. 2 poulets rôtis. Pourquoi pas? D'accord. 2 poulets rôtis, du pain et 2 bouteilles de vin. Et achetez-moi 20 cigares, comme celui-là. Envoyez la monnaie. Combien? 30 francs pour vous, et parce que vous avez de beaux yeux. Vous ne perdez pas le sens des affaires. Ce serait pas perdu pour tout le monde. Tant vaut-il que je le garde. Ajoutez 3 francs pour les cigares. Et vous avez un truc pour que j'y emballe votre matériel? Non. Pliez tout dans une serviette et mettez un couteau. 1 écu pour la serviette et 1 pour le couteau. Jeune homme, vous faites courir les plus grands dangers à tout le monde avec votre imprudence. Vous allez faire entrer ici une serviette du village où il y a sans doute des malades. Tout ce qu'on peut se permettre dans des temps pareils, ce sont les œufs à la coque. Je n'ai pas confiance dans l'eau bouillie. Et le grand tort que vous avez, vous et tous ceux qui me regardent avec de grands yeux, c'est de ne pas vivre comme d'habitude. Il y a 3 jours que je meurs de faim. Si je tombe d'inanition, vous allez croire que j'ai le choléra. Et rien que de la frousse, vous crèverez comme des mouches. Oh, j'ai pas peur, monsieur. J'ai fait mes preuves. Continuez. On n'en fait jamais assez. Il mangea son poulet et fut très content de voir que la jeune femme et les enfants mangeaient l'autre sans appréhension. Ils burent du vin. Pour rassurer tout le monde, Angelo jeta la serviette par une lucarne. Il vint donner un cigare à la sentinelle et resta sur le pas de la porte à fumer le sien. Il était là depuis un quart d'heure et un peu ébloui par la lumière du grand soleil blanc quand il entendit un brouhaha dans la grange. C'est une femme. Elle claque des dents et elle a une grosse marque bleue sur la joue. Quelqu'un a-t-il de l'alcool? De l'eau de vie? Tenez, jeune homme, tenez. Y a-t-il ici une femme courageuse pour venir dégrafer son corsage et son corset? Je n'y entends rien, moi. Je vais vous aider. Non, pas vous. Restez avec les enfants, le plus loin possible. Alors, y a-t-il quelqu'un? Coupez les lacets. Écartez-vous de la porte. Il y a une femme malade, il faut que je la sorte et que je la mette au soleil pour la réchauffer et pour empêcher que cette bande de péteux ne crée de peur. Je me charge de la soigner tout seul, à moins qu'il y ait un médecin au village. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait au village? Alors je ferai tout ce que je peux faire. Mettez-vous là-bas en face, si vous craignez qu'on s'échappe. Mais on les prendrait tous sous un chapeau. Il me faut quelqu'un pour porter cette femme dehors. Un homme ou une femme. Ou un enfant. Si les autres se croient de trop grandes personnes. Ne mêlez pas les enfants à ces tristesses. Genus irritabile vatum. Je vais vous aider, moi. Ils portèrent la femme dehors sur un lit de paille. Le vieux monsieur la déshabilla avec beaucoup d'habileté et réussit même à la débarrasser de son corset sans trop la heurter, ce qui était difficile, car elle balait de la tête et des bras. Pendant cette opération, il dégorgea un peu de ce fameux riz au lait, mais Angelo lui nettoya la bouche et la força à boire. Les cuisses de la femme, quoique glacées et marbrées d'épais ruisseaux violets, étaient grasses et satinées. Elle se souillait d'en bas sans arrêt. La sentinelle s'était détournée et regardait les collines torrides où la chaleur se décomposait dans une buée d'herbe. La jeune femme mourut au bout de 2 heures. Angelo s'assit à côté d'elle, le vieux monsieur aussi. Du village venaient des cris solitaires et de longs gémissements presque paisibles que l'ardent soleil faisait paraître noirs. Si Paris avait vu la peau d'Hélène, telle qu'elle était, il aurait aperçu un réseau gris-jaune, inégal, rude, composé de mailles sans ordre, dont chacune refermait un poil semblable à celui d'un lièvre. Jamais il n'aurait été amoureux d'Hélène. La nature est un grand opéra, dont les décorations font un effet d'optique. Un cigare? Je n'ai jamais fumé de ma vie, mais j'ai bien envie de m'y mettre. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le troisième épisode avec Bruno de Volder, Angelo, Claude Botéac, le capitaine, Fred Persson, le forçat, Catherine Hubot, la jeune femme, Jacques Galland, le vieux monsieur, ainsi que Claudine Le Gall, Claire Jacquet, Georges Lican, Charles Charras, Jean-Claude de Gorens, Ginette Franck, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusforg, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.